بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la dernière fois on avait terminé en expliquant un des points qui fait partie de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis j'avais de la difficulté à expliquer qu'est-ce que ça signifie à la dernière partie là. Et puis alhamdoulilah, j'ai demandé à une explication à les faire. Ils m'ont aidé à être capable de l'expliquer plus facilement. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est quand le cheikh il dit wa min ijlalillah wa ta'zimihi أنه لا يستشفع به على خلقه لما في ذلك من تنقصه سبحانه لأن المستشفع به يكون أقل درجة من المشفوع عنده يعني c'est le fait que quand on n'a pas le droit de demander par exemple à Allah d'intercéder pour nous auprès d'une personne parce que en général quand on demande l'intercession à quelqu'un pour nous amener vers celui qui est plus haut. Et donc, c'est pas logique d'aller vers quelqu'un qui est plus haut directement pour lui demander d'intercéder pour quelqu'un qui est plus bas. Parce que si on fait ça, en réalité, c'est comme si on met la personne qui est en bas au-dessus de l'autre, qui est plus haut. Hein? C'est comme si, par exemple, tu veux intercéder auprès tu vas aller voir le roi et tu lui demandes d'intercéder en ta faveur auprès de son ministre. Et donc ça, c'est comme si en réalité, tu rabaisses le roi au niveau du ministre. Parce qu'en fait, c'est comme si il a besoin de passer par le ministre pour faire quelque chose. Il a besoin de passer par son ministre pour faire quelque chose pour toi. Donc c'est pas un respect pour le roi, donc c'est un exemple. Et c'est ça que le chef essaie de dire. Et après il a mentionné les paroles de l'imam al-chef, hein, qui disait « Inna man yushfa'u inda man huwa a'la minhu, ta'ala Allahu an zalik » C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est plus haut que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yani, c'est pas logique d'aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder en notre faveur auprès de quelqu'un. On demande à quelqu'un d'intercéder auprès de nous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il peut intercéder. Hein, parce qu'on sait que dans le Coran, il y a des ayats qui expliquent que وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et combien d'anges dans le ciel, leur intercession n'a aucune utilité, excepté pour une personne, illa min ba'di an ya'zana Allah, sauf pour celui à qui Allah a donné la permission, qu'on intercède pour lui, wa yarda, celui il a été satisfait de cette personne. Là, Allah, il va donner la permission, et lorsqu'il est satisfait d'une personne, il donne la permission à l'ange d'intercéder en sa faveur, mais pas il ne peut pas intercéder pour quelqu'un sans avoir la permission d'Allah. Et dans l'ayat al-Kursi qu'on connaît tous, la yashfa'u indahu illa bi'izni. Donc c'est seulement par sa permission qu'on peut intercéder auprès de lui. Donc, tout ce qui a rapport avec l'intercession, ou pas l'intercession, oui, l'intercession, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose aussi qui est importante de mentionner, que j'avais oublié la dernière fois, c'est que c'est pas nécessaire, c'est pas uniquement ceux qui demandent l'intercession qui vont recevoir l'intercession. Il y a des gens qui vont même pas la demander, et ils vont la recevoir pour certaines raisons qu'ils ont accomplies, ou ils ont respecté certaines conditions qui fait qu'ils sont, aptes ou qu'ils sont acceptés pour être intercédés en leur faveur, pour qu'on intercède en leur faveur, même s'ils n'ont rien demandé de l'intercession. D'accord ? C'est ce que je voulais dire aussi. Donc, le cheikh il dit ensuite, ومنهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية في أسماء الله وصفاته إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة مع اعتقاد ما دلت عليه وأنها على ظاهرها ولا يلزم من إثباتها تشبيه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك لأن صفات الخالق تخصه وتليق به وصفات المخلوقين تليق بهم وتخصهم ولا تشابه بين الصفتين كما أن لا تشابه بين ذات الخالق سبحانه وذات المخلوق. Donc le cheikh il explique cette fois la méthode des gens de la Sunna et de la Jama'a en ce qui concerne les noms d'Allah et ses attributs. C'est quoi leur méthodologie? Comment ils approchent cette question et ce sujet? Et le cheikh il dit que leur méthode, la méthode du Salaf al-Salih, et on sait que le Salaf al-Salih ce sont les prédécesseurs pieux, c'est-à-dire les Sahaba et les Tabi'in, et ceux qui les ont suivis dans cette voie. Ceux-là, ils sont Ahl-Sunnah, les gens de la Sunnah, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et dans ses actions, hein, et dans sa croyance et dans tous ces sujets-là, et Al-Jama'a, c'est-à-dire l'unité des musulmans et le consensus des musulmans. Et ce sont eux qui sont le groupe sauvé, Al-Firqatul Najiyah, celui dans duquel le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme étant celui qui va être parmi les 73 qui va être sauvé, c'est-à-dire qui va aller au paradis. Après, le cheikh il dit, et donc ceux-là sont le groupe sauvé dans Al-Asma wa Sifat, et leur manhaj, leur méthodologie, c'est quoi? C'est d'affirmer les noms et les attributs d'Allah, hein, comme ils sont venus ou comme ils sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, tout en croyant ce qu'ils impliquent comme signification. Selon leur sens apparent, sans essayer de les interpréter d'une façon qui change leur signification. Et ça n'implique pas du tout, le fait de les affirmer, ça n'implique pas que Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à sa création. Il n'y a aucune ressemblance entre Allah et entre la créature. Car les attributs du Créateur sont spécifiques au Créateur, et les attributs de la Créature sont spécifiques au Créateur. D'accord? Si tu dis par exemple, je pourrais dire l'œil, les yeux d'un être humain sont des yeux d'être humain. Les yeux, wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Les yeux d'un chat, c'est les yeux d'un chat qui sont spécifiques au chat. Les yeux d'une araignée sont spécifiques à l'araignée. Donc chacun a leur type d'yeux selon leur création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a les yeux comme il s'est décrit, mais ces yeux-là ne ressemblent pas aux yeux de sa créature. Ils sont des yeux qui lui conviennent à lui en tant que créateur, en tant que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Et donc, les ulama, ils ont établi cinq principes et cinq fondements pour être capable de savoir quelle voie on doit suivre pour comprendre les versets et les hadiths qui mentionnent les noms et les attributs d'Allah. Et le cheikh, c'est ça qu'il va expliquer ici maintenant, lorsqu'il va clarifier ce sujet. Et on va clarifier ces cinq principes, et après on va commencer à lire le texte que j'ai amené ici. Le cheikh dit « Madhhab ahl al-sunnah wa al-jama'a fi dhalika an yanbani ala usus salima wa qawa'id mustaqima wa hadhihi al-usus هي الأول أن أسماء الله وصفاته توقيفية بمعنى أنه لا يثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات ولا يثبتون شيئا بمقتضى عقولهم وتفكيرهم ولا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله في سنته ولا ينفون عنه بموجب عقولهم وأفكارهم فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته كالعرض والجسم والجوهر فهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم. Donc ça c'est le premier principe. Le chef il a dit que les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ils ont établi cinq principes qui sont des principes droits sur lesquels ils sont basés pour comprendre les noms et les attributs d'Allah SWT. Le premier de ces principes là c'est que les noms d'Allah SWT sont tawqifiya. Quand on dit tawqifiya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que yani, on ne peut pas affirmer ou nier quoi que ce soit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté ce qui est affirmé ou nié par Allah et son messager dans le Coran et dans la Sunna. C'est ce qu'il explique. C'est-à-dire qu'on peut pas, on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé pour lui-même dans son livre, ou ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé dans la sunnah des noms et des attributs. Après, il dit, et il n'affirme rien d'attribut à Allah sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur leur raison. C'est-à-dire, on n'affirme pas à Allah des attributs ou des noms en se basant sur notre réflexion ou sur notre raison. On se base uniquement sur la révélation. D'accord? Contrairement aux philosophes et aux autres gens, il y a une question particulière. J'en ai dit d'un an. Non. Non, il y en a qui veulent appeler. On n'a pas le droit d'appeler Allah l'architecte. On n'a pas le droit d'appeler Allah l'ingénieur. On n'a pas le droit d'appeler Allah professeur ou des noms. Ça fait pas partie des noms d'Allah. On peut uniquement donner à Allah le nom qu'il s'est donné lui-même. D'accord? Et ces noms sont les meilleurs noms. Yani, c'est comme un message, disons. Donc, c'est comme un message qui a été envoyé pour les humains. Donc, dans ce sens-là, yani, on peut dire que c'est comme une lettre. Dans ce sens-là, parce qu'en arabe, message ou lettre, c'est risala. Et donc, le risala, c'est ce qui est envoyé aux gens, donc c'est un message, c'est une lettre. Dans ce sens-là, oui. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Donc, comme je disais, Yanni. En français, c'est pas son nom. Dieu, c'est pas son nom. C'est la traduction de ce qui implique ou de ce qui signifie l'être adoré dans la langue française. Ou comme God en anglais, ou Dios en espagnol, ou God en allemand, ou je sais pas dans quelle autre langue. Mais c'est sûr que Allah, c'est son nom. Et puis, peu importe la langue qu'on parle, on devrait, si on est musulman, on doit dire Allah. Mais si on parle avec des non-musulmans, on peut leur expliquer l'islam, et puis on peut utiliser le mot Dieu pour leur faire comprendre, il n'y a pas de problème, inch'Allah, dans ce sens-là, puisque on sait que le Dieu, c'est Allah. Ça, c'est pas... Non, en fait, Dieu, c'est pas un nom, hein. C'est un titre. Parce qu'il peut être donné à beaucoup de choses. Et la preuve, c'est que la réalité, il le donne à beaucoup de choses. Il le donne à beaucoup de choses, ce titre-là. Le Dieu de l'amour, le Dieu de je sais pas quoi, le Dieu de ça, ouais. Donc, c'est un titre qu'il donne à quelque chose. Mais, ouais, Allah, il n'a pas d'équivalent. Allah, il n'a pas d'équivalent dans la langue française. Parce que Allah, il ne peut pas être donné à personne ou à rien d'autre que au créateur, au maître de toutes choses. Tandis que, par exemple, ilah, en arabe, on dit ilah. C'est là que tu peux dire. Et ils peuvent avoir plusieurs ilah. Et ça, c'est équivalent peut-être à Dieu. Ilah. Et quand tu dis al-ilah, c'est Allah. Ouais, quand il est. Oui, quand il est mouvant. Quand tu dis par exemple le Seigneur de quelque chose, comme Seigneur de la maison, le Seigneur de tel territoire, là dans ce cas-là c'est comme tu dis Rabbul Bayt en arabe, tu dis le Seigneur, le maître de la maison ou des choses comme ça. Tu dois toujours, si tu parles d'une créature, tu dois toujours l'associer à la chose qui le limite, c'est-à-dire s'il est chef de la maison, c'est du Rabbul Bayt. Il ne peut pas dire, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Rab, le Rab. Et il est Rabbul Alamin, le maître de tous les mondes. Donc, c'est pas pareil comme la créature. Il doit toujours avoir une manière de distinguer entre le créateur et la créature dans ces choses-là. Et donc, comme on explique ici, le chef il dit que on affirme uniquement les noms qu'Allah s'est donné à lui-même, et on n'a pas le droit d'affirmer des noms uniquement par notre raison. Comme des philosophes, par exemple, ils ont donné un nom à Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadim. Oui, Al-Qadim. Ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qadim. Et Al-Qadim, qu'est-ce que ça veut dire? La langue arabe, ça veut dire l'ancien. L'ancien. Et eux, par cet attribut-là, ils veulent dire, yani, salam alaykoum, ils veulent dire celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Yani. En fait, c'est préférable, au lieu d'utiliser ça, de l'appeler Allah Al-Qadim, d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par le nom qu'il s'est donné lui-même, c'est-à-dire Al-Awwal ou Al-Akhir. C'est lui le premier et le dernier. Au lieu d'utiliser Al-Qadim. Parce qu'Al-Qadim, ça ne fait pas partie du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien les chrétiens, comme on avait mentionné la dernière fois, qu'ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala Ab, le Père. Hein? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas donné ce nom-là. Après, il dit, et il n'est ni à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'Allah s'est nié lui-même. Ainsi que son messager. Si tu vas aller voir dans les livres des gens de Bid'a, il nie à propos d'Allah toutes sortes de choses qui n'ont jamais été mentionnées, ni par Allah, ni par son messager. Et ça, on va expliquer un peu comme exemple de ce qu'on veut dire par là. Donc, on doit uniquement nier au sujet d'Allah ce qu'Allah a nié à son sujet dans le Coran et ce que le prophète a nié, ce qu'Allah a nié et que ce qu'on messager, ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a nié dans la sunna. Et on ne doit pas dépasser dans ce sujet-là, le Coran ou la Sunna. On se base, on se limite à ça. Et on n'essaie pas de nier des choses à propos d'Allah en se basant uniquement sur notre raison. Comme pour exemple, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié qu'il avait un fils. Hein? Il a dit, je n'ai pas de fils. Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié à propos de lui-même qu'il avait une compagne, une épouse. Il a nié ça dans le Coran. Il a nié dans la révélation qu'il dormait ou qu'il mangeait. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié ça, il a dit que il ne dort pas, il ne mange pas, et aussi, yani, il n'a pas de fatigue, et donc ces choses-là sont niées à propos de lui. Non, là, là, ça c'est la tour ou la norme. Et il pense que oui, ça c'est l'idée de beaucoup de gens parmi les déistes ou ceux qui affirment un Dieu sans attribut. Ils croient que Dieu, la seule chose qu'il a fait, il a créé le monde et puis après ça, le monde fonctionne par lui-même, comme une horloge. Il n'a plus aucun lien avec le monde. Le monde fonctionne tout seul selon des lois et puis Dieu, lui, n'a pas rien à voir avec qu'est-ce qui se passe. Alors que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours en train de créer de nouvelles choses et en train de changer les choses qui se produisent dans le monde. Il n'y a rien qui se produit de mouvement ou de changement, excepté par sa volonté, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait pas partie de ses noms. Sauf que ça fait partie de sa connaissance et de son savoir infini. Tu comprends? Mais si tu dis par exemple, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, c'est ça. Donc, on n'appelle pas Allah subhanahu wa ta'ala le grand physicien ou des choses comme ça. Mais, c'est sûr que quand on observe sa création, comment le monde fonctionne, on voit qu'il a une connaissance infinie et il est al-alim, de celui qui sait tout. Donc, ça fait partie de ses connaissances, du fait qu'il est qu'il sait comment organiser toute la matière et toutes les fonctions de l'univers. Il y a une façon à nous faire voir sa grandeur. Non, subhanallah. Allah, il a les noms qu'il s'est donnés, et ces noms sont, c'est les plus beaux noms. Donc, comme je disais, yani, on affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même et on nie ce qu'il s'est nié à lui-même. Et comme on voit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a nié certaines choses à son sujet, comme il a dit qu'il ne dort pas, qu'il ne mange pas, il a dit qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils, il n'a pas d'épouse, d'accord, il a nié certaines choses. Mais il y a parmi des gens de bid'ah qui ont voulu dépasser ça et qui ont suivi, essayé de rentrer dans les idées des philosophes grecs, commencer à nier à propos d'Allah toutes sortes de choses comme ils disent Allah n'a pas d'espace, Allah n'a pas de corps, Allah n'a pas de couleur, Allah n'a pas de poids, Allah n'a pas de toutes sortes de termes qu'ils ont amenés qui ne font pas partie des termes de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, qui ne font pas partie du Coran, qui ne font pas partie de la Sunna, mais eux ils les ont introduits et ils ont commencé à faire des polémiques et toutes sortes de débats là-dessus pour essayer de, en fait, de nier. Ils se sont basés là-dessus. Je pense même que c'est le livre d'Aristote, la métaphysique. Ils sont basés là-dessus pour essayer de nier des attributs divins. Parce que, d'après ce que j'ai observé dans ce livre d'Aristote, il essaie d'affirmer qu'il y a un être qui existe. Et il est unique. Mais il n'a pas d'attribut, aucun attribut. Donc c'est un être abstrait qui n'a aucune réalité. Alors, les Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, vis-à-vis de ces termes-là, c'est quoi la position qu'ils ont adoptée? Quand les gens de Bid'a disent, par exemple, oh, Allah n'a pas de corps, Allah n'a pas d'espace, à part de Makan ou des choses comme ça. Donc, comme j'ai dit, à propos de ces termes, le Cheikh il dit وَمَا لَمْ يُصَرَّحْ أَوْ يُصَرِّحْ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ بِنَفْيِهِ وَلَا إِثْبَاتِهِ كَالْعَرْضِ وَالْجِسْمِ وَالْجَوْهَرِ فَهُمْ يَتَوَقَّفُونَ فِيهِ. Donc, أهل السنة والجماعة, lorsqu'ils ont été confrontés par ces termes-là qui ne sont ni affirmés dans le Coran et dans la Sunna et qui ne sont pas niés non plus, alors quelle approche ils ont eu vis-à-vis ces termes-là, vis-à-vis ces innovations-là? ils ont pris l'approche de dire nous devons nous arrêter, c'est-à-dire on ne doit pas prendre aucune position vis-à-vis les termes qui ne sont pas employés par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc « يتوقفون » c'est-à-dire ils stoppent, ils arrêtent à cette limite. Et ils disent à ce sujet, par exemple les gens de Bid'a, ils vont dire qu'on ne dit pas que Allah est dans un endroit, on ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala a une limite, on ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala a un corps ou des choses comme ça. Et nous on dit, on n'affirme pas et on ne nie pas. On n'affirme pas ça, on n'affirme pas que Allah subhanahu wa ta'ala est dans un espace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Et on ne nie pas non plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans un espace. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de preuve non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête à cette limite et on demande de clarifier la signification de ces termes. Parce que ce sont des termes ambigus qui peuvent avoir une signification vraie et qui peuvent avoir aussi en même temps une signification fausse. Donc si tu nies, tu risques de nier quelque chose qui est vrai, et si tu affirmes, tu risques d'affirmer quelque chose qui est faux. Donc tu dois t'arrêter à ces termes et demander à la personne qui utilise ces termes de t'expliquer, de clarifier ce qu'il veut dire par ce terme-là. D'accord? Même si tu demandes à quelqu'un qui dit « Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'endroit ». Donc là, on n'a pas d'espace, comme par exemple, Al-Asha'ira, ils disent ça. Et on trouve ça aussi chez les Ahbash, parce que les Ahbash, la secte des Ahbash, eux, ils suivent Al-Asha'ira dans Al-Aqidah. Donc, s'ils vous rencontrent et vous leur dites que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône, ils vont dire, non, il ne faut pas dire ça parce que Allah n'est pas dans un espace. Alors, ils lui disent, oui, mais est-ce que Allah dans le Coran a utilisé وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans le Coran le mot espace pour le nier ou pour l'affirmer? Jamais. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'espace pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala en affirmatif ou en négatif ou en négation? Non. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas le nier. Sauf qu'on va demander à la personne. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait de nier que Allah est dans un espace? Est-ce que tu veux dire par là que Allah subhanahu wa ta'ala est entouré d'un espace créé, illimité par sa création? Si tu veux dire ça, alors il n'y a pas de doute qu'on le nie. Parce que c'est une implication qui est fausse. Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe sa création. Il est au-delà de toute chose. Mais s'ils veulent dire par la négation de l'espace que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-delà de son trône et qu'il n'est pas comme il s'est décrit lui-même, alors on le rejette, cette signification-là et cette négation-là, et on leur dit, si vous voulez par ça, par la négation de l'espace, nier que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà, nier que Allah est au-delà de son trône comme il s'est décrit lui-même, alors dans ce cas-là, votre explication est fausse. On ne peut pas l'affirmer parce que ça nie quelque chose qu'Allah a affirmé. Donc, ça c'est la méthode qu'on utilise pour répondre à ce sujet-là sur les termes qui ne sont pas affirmés ou niés par le Coran ou le Sunnah. Deuxièmement, en ce qui concerne, le cheikh il dit, deuxièmement, la deuxième règle, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, « أَنَّ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ » أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على ظاهره ليس فيه أحاج ولا ألغاز بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه فأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيها فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من المتشابه الذي يفوض معناه لأن اعتبار نصوص الصفات مما لا يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعجمي الذي لا يفهم والله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن كله وحضنا على تعقله وتفهمه فإذا كانت نصوص الصفات مما لا يفهم معناه فيكون الله قد أمرنا بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره وتفهمه وأمرنا باعتقاد ما لم يوضحه لنا تعالى الله عن ذلك. Donc le cheikh il l'explique et il dit qu'on doit croire en ce qu'Allah a utilisé pour se décrire lui-même, ainsi que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour décrire Allah sallallahu alayhi wa sallam tel quel, et croire que c'est la vérité dans son sens apparent, et que c'est pas une signification symbolique ou quelque chose de symbolique, mais c'est que c'est quelque chose réel, et on doit le comprendre selon la signification de celui qui nous a adressé la parole. Donc c'est Allah SWT et le prophète SAW tel qu'ils nous ont adressé la parole selon la façon dont ils s'expriment par le contexte et par sa façon de s'exprimer, par la façon dont Allah SWT parle dans le Coran. On regarde le contexte, on regarde comment il a utilisé les différents termes, les différents versets, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, et on peut voir à travers tous les textes un peu comment Allah sallallahu alayhi wa sallam utilise les mots et qu'est-ce qu'il veut dire par les mots qu'il utilise. Donc le cheikh il dit que les sunna, yani les gens de la sunna, ils affirment les noms et les attributs d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et leur signification, et ils ne disent pas par exemple que les noms d'Allah font partie des choses ambiguës qui n'ont pas une signification spécifique, parce qu'il y a parmi les gens de Bid'a qu'on appelle Al-Mufawwida, et c'est-à-dire ceux qui font At-Tafwid. Et At-Tafwid, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui dit les mots, les noms d'Allah et les attributs d'Allah, on ne peut pas les comprendre. C'est des mots arabes, mais sauf qu'on ne peut pas les comprendre, c'est des choses impossibles à comprendre, donc on les interprète pas et on n'essaie pas de les comprendre, on les laisse tels quels, comme des mots qui n'ont pas de signification. Et donc le cheikh il dit ça, c'est faux, parce que yani, c'est pas vrai que les attributs d'Allah font partie des choses qui sont ambiguës dans le Coran. Et en fait, étant donné que yani, Allah SWT il nous a ordonné de croire en ces noms-là et en ces attributs-là, il y a une raison, une sagesse derrière ça. Et si les noms d'Allah sont un sujet d'ambiguïté, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il nous a ordonné, il nous aurait ordonné de croire en quelque chose qui est ambigu, et donc ce serait pas quelque chose de sage de sa part d'avoir fait, de faire une chose pareille, dans le sens aussi que Allah, il nous a ordonné de méditer sur le Coran et de méditer sur le sens des versets. Et donc, comment il pourrait nous ordonner de méditer sur quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre? Ça ne fait pas de sens. Donc, le cheikh dit فإذن معاني الصفات أو معاني صفات الله معلومة يجب اعتقادها أو أما كيفيتها فهي مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله تعالى. ولهذا يقول الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما قال الإمام مالك في الاستواء هو قاعدة في جميع الصفات وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة. فمن نسب إلى السلف أنهم يفوضون معاني الأسماء والصفات ويجعلون نصوصها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم لأن كلامهم يخالف ما يقوله هذا المفتري. Donc le cheikh il explique ici que donc il dit les significations ou le sens des attributs d'Allah sont connus et il est obligatoire de croire en ces significations là. En ce qui concerne le comment de ces attributs là, comment ils sont, alors là, dans ce cas-là, il n'est pas possible de comprendre comment Allah est fait ou comment ses attributs sont faits. Et c'est pour cette raison-là que, en ce qui concerne le comment de ses attributs, on doit dire qu'elles sont inconnues pour nous. Sauf que la signification de ces attributs est connue. Et c'est pour ça que l'imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu, lorsqu'on lui a demandé au sujet du verset Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa, parce qu'il était assis à la mosquée avec ses élèves et il enseignait, et un homme est venu et il s'est assis dans son darf, et là il lui a demandé une question. Il a dit au chef, ou il a dit à l'imam Malik, Ya Malik, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa. Le très miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône. Après, il a dit, comment s'est-il élevé? Kayfa stawa? Comment s'est-il élevé au-delà de son trône? Alors, l'imam Malik, lorsqu'il a entendu cette question, il est devenu rouge de colère. Il s'est mis en colère. Et il a répondu avec la phrase très célèbre qui est rapportée par tous les ulama, yani de l'islam. Et cette phrase c'est Al-Istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-su'al, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'a. Donc, Imam Malik, il a répondu par cette phrase qui est simple, mais en réalité qui combine toutes les bases même de la croyance au nom et les attributs d'Allah, et en fait c'est sur cette phrase là qu'on se base même pour suivre cette voie qui est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est le fait qu'il a expliqué que al-istiwa, c'est-à-dire le verbe istiwa dans la langue arabe, il est connu, tous les arabes savent ce qu'il signifie. C'est pas un verbe ambigu ou un verbe qui est inutilisé par les Arabes. Tous les Arabes le connaissent, c'est familier. D'accord? Il est utilisé couramment. Après, il a dit wal kayf majhoul. Mais le comment, il est inconnu. Personne ne peut le connaître. Pourquoi? Parce que c'est à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, on ne peut pas savoir comment. Wal imam bihi wajib. C'est obligatoire d'y croire. Parce que Allah nous en a informé, donc c'est obligatoire pour nous d'y croire. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةً. Et c'est une bid'a même de demander à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais demandé, et les sahaba non plus. Les sahaba, ils ont entendu ces versets-là récités devant eux. Ils ont entendu les ayats qui parlent de ça. Ils ont entendu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui traitent de ce sujet, et ils n'ont jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment Allah a fait ça. Donc de poser cette question, c'est d'ouvrir une porte pour l'innovation. Parce que cette question va amener toutes sortes d'imagination, toutes sortes de questionnements qui vont faire tomber quelqu'un dans l'innovation. C'est pour ça que l'imam Malik a dit « وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةً ». Donc de poser cette question-là, même la question, juste poser la question, c'est une bid'a. D'accord. Mais après, justement, l'imam Malik, il a dit après, وَإِنَّمَا أَنْتَ مُبْتَدِعْ وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِ. Il a dit, tu n'es qu'un innovateur et il a ordonné qu'on le fasse sortir. Ça veut dire que l'imam Malik connaissait cet homme, ou savait de cet homme que c'est une personne qui venait uniquement pour poser la fitna. Hein? C'était pas une personne ignorante qui venait, pas, qui savait pas. Ok? Dans le cas d'une personne qui n'est pas au courant, qui ne sait pas, qui pose cette question-là, bien entendu, elle est ignorante, donc elle n'a rien contre elle, si elle demande une question comme ça, on lui explique. Mais une personne qui pose cette question dans le but unique de créer des fitnas, de créer des dissensions, des polémiques, des argumentations, qui essaie de faire des débats sur des questions à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, il faut éviter ça. Parce que ça, c'est une personne qui cherche La fitna, c'est une personne qui veut amener les gens à la bid'a. Hein? Des fois, les gens de bid'a, ils utilisent des questions de ce genre-là pour ouvrir une porte et rentrer dans des débats, et après, ils attirent les ignorants ou les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances et ils les amènent vers toutes sortes de choses qui vont mettre des doutes dans leur cœur, et par la suite, ils ne vont pas être capables de les réfuter, alors ils vont tomber dans l'égarement. أنا عندك سؤال تمام جدا صلى الله عليه وسلم Ils n'avaient pas le droit de poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de questions. Alors, les sahaba aimaient que des gens de l'étranger, soit des bédouins qui venaient du désert ou d'autres, viennent pour poser des questions, parce que pour eux c'était une opportunité pour apprendre la religion, d'accord? Donc, subhanallah, il y a eu beaucoup d'occasions de ce genre. Et les bédouins, ils se gênaient pas. Tu vois, c'est des gens un peu durs de caractère et dans le sens que ils ont pas beaucoup de raffinement. C'est des gens un peu bruts, hein, comment je pourrais dire, simple. Ouais, très direct. Alors, il y en a un qui avait uriné dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait uriné dans la mosquée, dans un des coins de la mosquée. Il pensait que c'était correct. Et il y en a un, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un foulard dans son cou, ou quelque chose dans son cou. Il l'a pris, il l'a tiré. Il a dit, Ya Rasulallah, donne-moi de ce que Allah t'a donné. Il l'a tiré. Et tellement qu'il a tiré fort, il y avait une marque rouge dans le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait quand le bébé a fait ça. C'est juste. Parce, oui, c'était comme ça que les bédouins étaient, subhanallah. Ils étaient un peu durs. Mais Allah nous tient, subhanallah. Mais le prophète savait comment agir avec ces gens-là, avec sagesse, et puis avec un bon caractère, comme le bédouin qui avait fini dans la mosquée, il a agi avec lui, avec sagesse, et il lui a expliqué. Alors que les sahaba étaient prêts à lui sauter dessus. Mais le prophète a dit non. Laissez-le. Jusqu'à ce qu'il a terminé, et après il est allé lui expliquer que c'est pas un endroit pour uriner de cette façon, et puis il lui a expliqué. Alhamdulillah, ils ont versé un seau d'eau à l'endroit où il avait fait ça, et puis c'est passé. Donc, non, musulman. Et même après cet événement, il a dit, oh Allah, guide-moi seulement moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sois miséricorde, Dieu envers moi et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais pas envers personne d'autre. Alors, yani, c'est pour voir un peu la naïveté des bédouins, yani, subhanallah. Donc, comme j'expliquais, après le cheikh il dit, et l'imam Malik a expliqué dans cette parole que l'istiwa, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se soit élevé au-delà de son trône, c'est une des règles. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'istiwa? C'est pas uniquement au sujet de l'istiwa, on doit le prendre comme une règle pour tous les autres attributs. Tous les autres attributs. N'importe lequel. Le fait que tu dis par exemple, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la main elle est connue, et comment elle est, c'est inconnu, et on doit y croire, et celui qui en demande comment elle est la main d'Allah, il a fait une bid'a. La même chose pour Al-Nuzul, on sait que vers le tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit, Allah a dit qu'il descendait au dernier des cieux, et il demande aux hommes, est-ce qu'il y a parmi vous un qui veut demander pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a un parmi d'entre vous qui veut me demander quelque chose, alors je vais lui exaucer sa demande. Et chaque dernier tiers de la nuit, il fait. Allah subhanahu wa ta'ala fait ça. Et donc c'est un moment où c'est recommandé de faire plus d'invocations pour avoir notre invocation exaucée vers le dernier tiers de la nuit. Et donc on doit croire que Allah, il descend. Donc on dit al-nuzul en arabe, ma'loum. On le sait, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe, c'est clair. Ou al-kayf majhoul. Comment? C'est inconnu, on ne sait pas. Wa su'alu anhu bid'ah wa al-imam bihi wajib. On est obligé d'y croire et on n'a pas le droit de demander comment parce que c'est une bid'ah, c'est une innovation. La même chose pour n'importe quel attribut. Hein? Après, le cheikh il dit, celui qui a attribué par exemple au talab qu'il remette, qu'ils disent que par exemple la signification de ces attributs-là est inconnue, et que ça c'est la position des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah, alors ceux-là ils ont menti à propos des salafs. Il y a parmi des gens de bid'a qui ont par exemple qui ont dit la position des salafs au sujet des attributs, c'est at-tafwir, c'est-à-dire on dit que ces noms-là, on ne sait pas ce qu'ils signifient. C'est seulement Allah qui sait ce que ça veut dire. Et ça, c'est un mensonge au sujet des salafs. Que les salafs, ils savaient ce que les mots signifiaient. Et ils n'ont jamais nié leur signification. Et ceux qui ont dit ça, Yanni, ils ont donc fait un grave mensonge au sujet des salafs. Troisième principe, le cheikh il dit, « Thalithan, as-salaf yuthbitun as-sifat, isbatan bila tamthil. » فلا يمثلونها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء ولا كفء له ولا ند له ولا سمي له ولأن تمثيل الصفات وتشبيهها بصفات المخلوقين ادعاء لمعرفة كيفيتها وكيفيتها مجهولة مجهولة لنا مثل كيفية الذات لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف والله تعالى لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. نعم. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي لا يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فيجب الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا أحد أعلم من الله بالله، أأنتم أعلم أم الله؟ فهو أعلم بنفسه وبغيره. Donc le cheikh il explique troisième principe pour croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la voie des salafs, c'est qu'on doit les affirmer sans faire de tamthil, sans faire de ressemblance entre Allah et la création. On ne fait pas Allah ressembler à la création, on ne dit pas que le créateur ressemble à la créature, et on ne dit pas que la créature ressemble au créateur. On ne donne pas à la créature des attributs du créateur et on ne donne pas au créateur des attributs de la créature. Et dans les deux cas, de faire ça, ça fait tomber les gens dans le shirk. On peut voir par exemple l'exemple des chrétiens qui ont donné à Isa alayhi salam des attributs divins. Ils ont donné à Isa l'attribut divin. Par exemple, ils ont dit qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il peut créer, ou des choses comme ça. Et ça, c'est des attributs qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce sens-là, c'est shirk. Ou bien de donner à Allah des attributs humains. Par exemple, de dire que Dieu, par exemple, mange ou danse ou des choses de ce genre-là, comme ils ont fait les chrétiens en disant que Dieu s'est incarné en Isa, ou de dire comme les juifs ont dit qu'ils se reposaient le septième jour, Donc ça, c'est des exemples de donner à Allah des attributs de la créature. D'accord? Donc ça, c'est, ça rentre aussi dans le shirk. Et c'est juste quelques exemples, mais bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. C'est juste pour vous expliquer. Et après, le shirk, il dit, donc on ne doit pas ressembler, ou on ne doit pas faire ressembler aucune de ces attributs aux attributs des créatures. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Laysa ka mithlihi shay », il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il dit, « Walam yakul lahu kufuwan ahad ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien qui lui est pareil ou égal. Hein? Et il dit, yani, qu'il n'a pas de mid, yani, il n'a pas de andad, et il n'a pas non plus de sami. Et As-Sami, c'est Al-Shabih, Al-Nazir. Je pense que c'est quelqu'un qui est semblable à Al-Sami. Al-Ta'lamu lahu Samiya. Et parce que le fait de dire que les attributs d'Allah ressemblent aux attributs des créatures, ça implique que tu connais le comment de ces attributs. Parce que si tu dis qu'ils sont pareils, comme si tu dis que la main d'Allah est comme la main de la créature, ça veut dire que tu connais comment l'attribuer. Et donc ça, c'est une prétention de connaître quelque chose que tu ne connais pas. Donc ça, c'est contraire à l'aqida, contraire à la foi. Et le chef, il dit, si tu connais l'attribut, alors, ça implique que tu as une connaissance du sujet, yani, à qui l'attribut appartient. Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, personne ne sait comment il est, lui. Et, en fait, de parler des attributs, c'est comme une partie de parler de l'être. C'est-à-dire, si tu parles de l'attribut d'une chose, tu parles de l'attribut, par exemple, je donne un exemple, le stylo. Si tu décris les attributs du stylo, tu dis par exemple, il a un bouchon bleu, il a une encre bleue, une pointe fine, et bien, c'est comme si tu décris le stylo en entier. Tu vas décrire le stylo en entier, et le stylo il peut être uniquement connu par ses attributs. Donc, la même chose pour un être humain. Si tu veux décrire par exemple Hamza ou Isa, il a des attributs qui sont spécifiques à lui. Si tu veux le connaître, tu peux le décrire d'une certaine façon. D'accord? Et si tu parles de ses attributs, c'est comme si tu parles d'une partie de son être. Hein? Donc, c'est pour ça que le chef, il explique et il dit, si on peut pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans son être, alors c'est la même chose aussi au sujet de ses attributs, on ne peut pas non plus le connaître dans ses attributs, parce que ses attributs font partie de lui. Le chef, il dit après, c'est les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemblent pas aux attributs des créatures, et il n'y a rien qui lui ressemble, ni dans son être, ni dans ses attributs. Et donc, c'est obligatoire de croire en lui comme il s'est décrit lui-même, et il n'y a personne qui connaît mieux Allah qu'Allah se connaît lui-même. Hein? Personne ne connaît mieux Allah qu'Allah se connaît lui-même. Donc, il sait lui, Allah subhanahu wa ta'ala, comment se décrire. Personne ne peut dire, ya Allah, pourquoi tu te décris de telle façon? Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que personne comment se décrire lui-même. Après, il dit, wa kama yajibu al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وينزه ربه جل وعلا من أن تشبه صفته sifat al-khalq. Donc le cheikh il dit, et la même chose aussi, que c'est obligatoire de croire en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a utilisé comme description pour Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que après Allah sallallahu alayhi wa sallam, personne ne connaît mieux Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيًا يُوحَىٰ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, il ne parle pas selon ses passions, ses désirs, il parle uniquement selon une révélation qui lui est révélée. Donc quand il parle à propos d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon ses idées, il ne parle pas selon ses passions, il parle uniquement selon des choses que Allah lui-même lui a révélées, lui a fait connaître. Il ne sait pas par lui-même, il le sait parce que Allah lui a dit. Donc c'est pour cette raison-là qu'on peut croire en sa description d'Allah. Et c'est pas comme si les paroles d'un philosophe ou les paroles d'un penseur ou d'une personne qui essaie de réfléchir à propos d'Allah pour essayer de comprendre comment il est fait en se basant sur sa raison seulement. Il se base pas sur ça, il se base sur la révélation d'Allah. Donc, il est obligatoire à chaque personne musulmane de croire en ce qu'Allah a utilisé pour se décrire lui-même ainsi que son messager, et de purifier Allah, de le faire ressembler à une attribut quelconque des attributs de sa créature. فَمَنْ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَرَّأَ عَلَى اللَّهِ فنفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات العظيمة وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وقال هذا الذي وصفت به نفسك ووصفك به رسولك لا يليق بك وفيه من النقص كذا وكذا فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي كما قال بعضهم وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو صور ورم تنزيها فلا أرجع إلى كتابك ولا إلى سنة نبيك في ذلك لأن ما فيهما يوهم التشبيه وإنما أرجع إلى قواعد المتكلمين وأقاويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية فهل يكون يا عباد الله هذا مؤمنا بالله وبكتابه وسنة رسوله وهل يكون هذا معظما لربه سبحانك هذا بهتان عظيم. Donc le chef ici, il explique quelque chose et il dit, celui qui s'est mis devant Allah et son messager, il a dépassé Allah et son messager, il a été effronté devant Allah en niant ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même d'attributs de grandeur, et il nie ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué. Et il dit, ce que tu as utilisé comme description ou attribut pour te décrire toi-même, et les attributs que ton messager a utilisé pour te décrire, ya Allah, eh ben ça ne te convient pas comme attribut. Parce que ça implique certaines imperfections imperfections, et moi je vais le changer la signification de ces attributs que tu as utilisés, et je vais par moi-même venir avec de nouvelles définitions de tes attributs pour amener à une signification qui va être digne de toi, ya Allah. Donc ça, c'est un peu ce que les gens de Ta'wil disent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, parmi ces gens-là, parmi les gens de Bid'a, il y en a un qui a écrit dans leur livre, parce que ces gens-là, Al-Ash'ara, Al-Maturidiyya, et les autres, ils ont leur livre de Aqidah, selon leur secte, ou selon leur Aqidah à eux, et dans leur livre, il y en a un de leurs chouyoukhs qui a écrit, tout texte qui implique, ou qui fait penser qu'il y aurait une ressemblance entre Allah et sa création, alors interprète, change le sens de cet attribut pour quelque chose d'autre, comme par exemple, si Allah dit sa main, dit que c'est une miséricorde, ou dit que c'est sa force, mais dit pas que c'est une main. Donc il nie l'attribut et il l'interprète par autre chose. Après, il dit, alors, change le sens ou bien dis que personne ne peut comprendre qu'est-ce que ça signifie et dis que tu fais ça pour purifier Allah d'une imperfection. D'accord? Donc, après, Cheikh, il continue à mentionner les paroles de ces gens-là et il dit, donc, je ne vais pas retourner à ton livre ni à la sunna de ton messager dans ces sujets-là. Parce que dans ces paroles-là, dans les paroles, dans ta parole et dans la sunna, il y a des choses qui pourraient nous faire croire qu'il y a une ressemblance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser les textes du Coran et de la sunna de côté, et je vais me baser sur qu'est-ce que les philosophes et les gens des bid'a, par exemple de Jahmiya et de Mu'tazila et de Asha'ira et de Maturidi et Ahlul Kalam, je vais me baser sur leurs livres à eux, qu'est-ce qu'eux ont écrit sur ces attributs-là, et je vais interpréter tous ces noms et ces attributs selon leur explication à eux, plutôt que de me baser sur la révélation. Alors le cheikh il dit, est-ce que celui qui parle comme ça, oh serviteur d'Allah, est-ce que celui qui dit ça, est-ce qu'il est croyant en Allah et en son livre et en la sunna de son messager, et est-ce que celui qui agit de cette façon-là, il a vraiment glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et honorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite, il dit subhanallah, ça c'est un blasphème énorme. Hein? Après le cheikh il dit comme quatrième principe de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est que le cheikh il dit wa kama anna Ahl al-Sunnah wal-Jama'a yuthbituna lillah al-sifat allati wasafa bihi nafsah أو وصفه بها رسوله على وجه يليق بجلاله ولا يشبهونه بخلقه فهم ينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيها لا يفضي بهم إلى التعطيل بتأويل معانيها أو تحريف ألفاظها عن مدلولها بحجة التنزيه فمذهبهم في ذلك وسط بين طرفي التشبيه والتعطيل فجنبوا التعطيل في مقام التنزيه وتجنبوا التشبيه في مقام الإثبات. Donc le cheikh il dit, donc la voie de Ahl al-Sunnah comme quatrième principe au sujet des noms et des attributs d'Allah, surtout au sujet des attributs d'Allah, c'est qu'il les affirme comme il les a affirmé Allah pour lui-même et son messager, de la manière qui convient à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté, et on ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à sa création, donc on purifie Allah subhanahu wa ta'ala et on éloigne de lui toute imperfection ou faiblesse, ou toute chose qui pourrait faire comprendre une imperfection, sans que cela nous mène à nier la réalité des attributs, soit par exemple en changeant leur signification, comme les gens de Bid'a, quand il y a par exemple une attribut, ils disent non, ça ne veut pas dire la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la miséricorde. Quand Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ça ne veut pas dire il s'est élevé, ça veut dire il a pris le pouvoir sur le trône, ou des choses de ce genre. quand Allah dit qu'il a été en colère contre les Juifs, ça ne veut pas dire la colère, ça veut dire qu'il a voulu se venger d'eux, ou d'autres choses de ce genre. Donc chaque attribut, il l'interprète d'une autre façon. Si Allah dit par exemple son visage, eux ils disent que ce n'est pas son visage, c'est lui-même, son être. Pourquoi ils disent son être? Parce qu'ils ne veulent pas affirmer que Allah à un visage tel qu'il s'est décrit dans le Coran. Donc ça c'est des exemples. Et donc on purifie Allah et on éloigne Allah de toute imperfection sans nier l'essence des attributs et sans faire ou dévier les mots de leur réalité. Mais en même temps aussi yani, on est, donc le cheikh qu'est-ce qu'il explique, il dit on est au milieu entre les deux extrêmes, on affirme sans faire ressembler Allah à sa création, comme il y a des gens par exemple qui affirment les attributs d'Allah mais qui disent on les affirme comme les attributs de la créature. Il a une main comme les mains des êtres humains, il a des yeux comme les yeux des êtres humains. Ça c'est les gens qui font at-tashbih, ça c'est kofriyani, ils font ressembler Allah à sa création. Et dans l'autre extrême, il y a les gens qui disent, de l'autre côté, on est au milieu, c'est-à-dire on affirme les attributs sans les nier, on l'affirme sans faire ressembler Allah à sa création, et on purifie Allah des imperfections, mais sans nier les réalités des attributs. D'accord? Donc, on est au milieu entre ces deux extrêmes. L'extrême du tashbih et l'extrême du ta'til. Tashbih, ce qui fait ressembler Allah à sa création. Ta'til, ce qui nie la réalité des attributs. Soit qu'il les nie directement, en disant que Allah n'a pas ces attributs-là, ou soit qu'il les nie indirectement, en interprétant le mot par une signification qui est en dehors de son contexte, puis qui a aucun lien avec la sunna, ni le Coran, ni la langue arabe. Ça, c'est deux extrêmes. Et Ahl Sunna, on est en milieu de ça. On affirme les attributs, mais on dit, laïsa kamis mihishay, c'est-à-dire, il n'y a rien qui lui ressemble. On affirme ces attributs-là, mais elles ne sont pas semblables à sa création. Et, en même temps, on affirme qu'est-ce qu'Allah s'en a pas laissé affirmer pour lui-même sans nier la réalité des attributs. Donc je pense que ça c'est clair pour le quatrième principe. Et pour le cinquième, le cheikh il dit wa tariqatu ahli sunnati wal jama'a fima yuthbituna lillahi min as-sifat wa ma yunfuna anhu min an-naqs هي طريقة الكتاب والسنة وهو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأجمل في النفي وهو قوله ليس كمثله شيء وفصل في الإثبات وهو قوله وهو السميع البصير كما نفى في صفات كما نفي في صفات الله وكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن إثبات الكمال وليس هو نفيا محضا لأن النفي المحض ليس فيه مدح لأنه عدم محض والعدم ليس بشيء ومن أمثلة النفي المتضمن لإثبات الكمال قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا أي لكمال عدله سبحانه وقوله ولا يؤده حفظهما أي لكمال قدرته وقوته وقوله ولا تأخذه سنة ولا نوم أي لكمال حياته وقيوميته وهكذا كل نفي عن الله فإنه يتضمن إثبات ضد المنفي من الكمال والجلال وهذا ونسأل الله البصيرة في دينه والعمل بطاعته ومعرفة الحق والعمل به. Donc, le cheikh, il explique en cinquième principe des gens de Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est qu'ils affirment les noms que Allah, les attributs qu'Allah s'est affirmés pour lui-même, et ils ni les imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il nie qu'Allah est quelconque forme d'imperfection, mais il se base dans ça sur la voie qui est appliquée dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est-à-dire que lorsque c'est une négation, c'est une négation générale, et lorsque c'est une affirmation, c'est une affirmation spécifique. Et il donne un exemple de ça lorsqu'il dit le verset « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ». Donc il mentionne dans ce verset, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et il est l'audient et le voyant, c'est-à-dire celui qui entend tout et qui voit tout. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a nié quelque chose, il a nié d'une façon générale, c'est-à-dire « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ». Ça c'est très général, ça veut dire il n'y a rien du tout qui lui ressemble. Il a englobé tout dans une négation. Mais quand il l'a affirmé, il l'a spécifié. Il a spécifié que il a affirmé lui et il a affirmé la vue. Hein. Il est celui qui voit tout et celui qui entend tout. Donc ça c'est la façon d'Ahl Sunna wal Jama'a. Quand on affirme d'une façon spécifique, et quand on nie d'une façon générale, telle que Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça dans le Coran. Tandis que les gens bid'a, eux, ils font le contraire. Ils nient d'une façon spécifique. Ils disent par exemple, Allah n'est pas dans un endroit, Allah n'est pas ci, Allah n'est pas ça, Allah n'est pas ça, Allah n'est pas ça. Ils spécifient dans la négation et ils affirment d'une façon générale, ils font le contraire. Et après le cheikh il dit, et lorsque on nie toute chose, toute négation dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il implique l'affirmation de son contraire. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a nié quelque chose à son sujet dans le Coran, on doit affirmer son contraire, son parfait contraire. Et il n'y a pas de négation absolue dans le Coran. Pourquoi? Parce que dans la négation absolue, il n'y a pas de glorification. Et pour donner un exemple de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ton Seigneur ne commet aucune injustice envers personne. Est-ce que le fait de nier que Allah subhanahu wa ta'ala commet l'injustice, est-ce que ça implique automatiquement une glorification? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que on peut dire ça de beaucoup d'autres choses sans que ça implique une glorification. Par exemple, si je dis le mur n'est injuste envers personne, est-ce que c'est une glorification pour le mur? Pas nécessairement. C'est pour ça qu'il faut dire, comme le cheikh a expliqué, que lorsqu'on nie quelque chose à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, des imperfections, on doit affirmer son parfait contraire. C'est-à-dire lorsqu'on dit que وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, Allah ne fait aucune injustice envers personne, on doit affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement juste. Ça, c'est affirmé par le contraire de la négation. Donc, n'importe quel attribut, c'est la même chose. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, c'est-à-dire, on va dire que le fait de préserver l'univers ne le fatigue pas ou ne le distrait pas de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que il a une puissance complète et parfaite et une force parfaite et complète. Donc, c'est pas seulement le fait qu'il n'est pas distrait ou il n'est pas fatigué de contrôler l'univers, mais c'est aussi, c'est pourquoi? C'est parce que ça implique d'affirmer le contraire aussi, c'est-à-dire qu'il est parfaitement une puissance parfaite et une force parfaite. Et etc. Donc, la même chose pour les autres attributs qu'il a nié à propos de lui-même. Donc, ça c'est la fin des cinq principes. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, comme je vous ai laissé le texte, là, on n'a pas on n'a pas beaucoup de temps de lire, à moins que si vous êtes intéressé, quelqu'un d'entre vous pourrait le lire à une partie à haute voix et puis on pourrait continuer comme ça jusqu'à la prière. Qui est-ce qui est volontaire pour nous lire ça? Hassan? Vas-y Hassan. Hamza? Tayyib Hamza. Bismillah. Attends. Le sujet ici, Allah est au-delà de son trône. Allah le Très-Haut a dit, le tout miséricordieux s'est élevé, istiwa au-delà du trône. Taha 5. Et Allah dit aussi, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé, istiwa au-delà du trône, Al-Araf, ayat 54. Et il dit aussi, votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé, istiwa au-delà du trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas. Surat Yunus, ayat 3. Et Allah dit aussi, Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est élevé istiwa au-delà du trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude et la rencontre de votre Seigneur. Al-Arab, ayat 2. Et Allah dit, c'est lui qui, en 6 jours, a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux, et le tout miséricordieux s'est élevé, istiwa, ensuite au-delà du trône. Interroge donc qui est bien informé de lui. Al-Furqan, ayat 59. Allah dit aussi, Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux, ensuite il s'est élevé, istiwa, au-delà du trône, vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour, équivalent à 1000 ans de votre calcul. As-Sajda, ayat 4 et 5. Allah dit encore, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Al-Hadith, ayat 4. Tous ces versets prouvent qu'Allah est au-delà de son trône d'une façon qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Les gens de la Sunna ont toujours affirmé cela et n'ont rien renié de la parole d'Allah à ce sujet. De même, ils n'ont jamais changé le sens des mots arabes pour tordre leur signification et les changer pour une autre selon leur désir, sans référence ni preuve, de même qu'ils n'ont jamais prétendu que Dieu ressemble à sa création et ils n'ont jamais posé la question « comment ?» à propos d'Allah et de ses attributs. Car Allah se connaît mieux lui-même et il sait quels mots utiliser pour se décrire, il ne s'est jamais décrit de manière à se rabaisser. Tandis que les gens de la Bida disent qu'Allah est partout et nie le sens du verset en disant que cela signifie qu'Allah a pris le pouvoir du trône, ce qui est contraire à la langue arabe et l'explication des Sahaba. Une question pour eux serait de dire qui donc avait le pouvoir sur le trône d'Allah avant lui, ce qui prouve la fausseté de leur interprétation et qui montre qu'ils tentent d'imposer une notion de Dieu qui est contraire au texte révélé. Allah dit aussi. Allah'a emanet olun. chez le monde. Donc, je vais continuer, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui veut lire en attendant. De toute façon, on ne va pas lire longtemps jusqu'à l'Iqama, puis la semaine prochaine, on va continuer à lire ça. Je pense que ça va être une bonne introduction pour le sujet, là, ça va être clarifié des choses qui ne sont pas détaillées dans le livre. Donc, le cheikh, après cet écrit, c'est moi qui l'ai écrit, c'est pas le cheikh. Allah dit aussi, vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne parole. Et il dit aussi, rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je veux mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Et Allah dit encore au sujet de Jésus, Isa, mais Allah l'a élevé vers lui. Ça, c'est tous des versets pour montrer que Allah fait toujours référence au fait qu'il élève les choses vers lui. Donc, ça montre qu'il est au-dessus de tout. Et ça affirme qu'il est au-delà de son trône. Après, dans un autre verset, Allah dit aussi, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Allah dit encore, et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, et font ce qu'il leur est commandé. Et Allah dit, êtes-vous à l'abri de celui qui est aux cieux, vous enfouissez en la terre, amintum man fis sama, ça c'est en arabe, ainsi que les anges, où êtes-vous à l'abri que celui qui aux cieux envoie contre vous un ouragan de pierre, vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Donc ça affirme que Allah subhanahu wa ta'ala est aux cieux, yani. Et quand on dit fissama, que Allah subhanahu wa ta'ala est fissama ou dans les cieux, ça implique pas que Allah subhanahu wa ta'ala, comme les gens de Bid'a essaient de dire lorsqu'on leur mentionne ça, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les nuages comme eux ils essaient de faire croire aux gens. Mais en réalité, dans la langue arabe, fissama, ça s'applique à tout ce qui est au-dessus de nous. Et c'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً » Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre du ciel la pluie. On sait très bien que la pluie tombe des nuages et non pas du ciel. Donc c'est tout ça c'est seulement pour nous faire comprendre que le ciel c'est ce qui est au-dessus de nous. Non. On continue la prochaine, Inch'Allah.